essayer de vous imaginer un monde sans musique où nul ne peut chanter. Fini les romances, rien que du silence. Hola, la musique, Raphaël Corbí. Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hola La Music, el vostre espai de música en francès. A partir d'aquests moments anirem escoltant música, anirem escoltant cançons de diferents artistes que ens acompanyaran minut a minut a través del nostre espai. En grans records o cançons de sempre, amb actualitat, amb el que convigui. Un programa que, com el d'avui, comencem amb Pascal Danel i el seu cèlebre Kilimanjaro. Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimanjaro. Un blanc manteau où tu pourras dormir. Elle te fera un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Dans son délire, il lui revient la fille qu'il aimait. Il s'en allait main dans la main. Il la revoit quand elle riait. Elle te fera un blanc manteau où tu pourras dormir. Elle te fera un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Voilà sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt. Elles n'ont jamais, jamais été si blanches. Les neiges du Kilimanjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elle te fera un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir, dormir bientôt. Amb un record hem iniciat el nostre espai d'aquesta setmana, la música amb Pascal Danel i aquest Kilimanjaro, una excel·lent cançó que volíem recordar en el programa d'avui. Anem a música contemporània i ho farem amb el cantant franco-israelí Amir Haddad, amb el seu tercer àlbum d'estudi, música pop en varietat francesa, realitzada al mercat discogràfic a través del segell Warner Music el 27 d'octubre de 2017. Escoltarem tres de les cançons que en formen part, en concret els senzills Tas d'amor, realitzat el 25 d'agost de 2017. Thank you. final t'as semé sans sonner des points d'interrogation. Je passe mon temps à les escalader, toutes ces montagnes de questions. Toi, ma beauté, mon addiction, je rejoue notre partition. Je coupe les refrains. Oh, tu dis que je suis coupable, je mets mes fausses notes sur la table. Si tu reviens, oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale en rupture brutale, moi l'anima je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour. J'me fais des films en noir et blanc. J'aurai l'Oscar de l'amant peine. J'préfère largement l'histoire où tu m'embrasses au hasard. J'rejoue la scène. Oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir. Així hem escoltat en de moment el més gran èxit d'aquest àlbum en format de senzill d'aquest cantant de l'Amir, Amir Haddad. Ell, el seu nom real és Laurent Amir Alifa Kedirer Haddad, en hebreu, impronunciable per mi. 20 de juny del 1984 el va veure néixer a París, a França, es coneix com Amir Haddad o senzillament com Amir. El 2006 es va donar a conèixer a través d'una competició musical a Israel i va realitzar el seu àlbum Bahedi el 2011 i va ser finalista a la competició francesa The Voice, com a part de l'equip de la Jennifer, que va tercer a la competició. A més va representar França el 2016 a Eurovisió amb la cançó Gessaché. Escoltem el segon single, un èxit menor d'aquest disc, de l'Amir. Les cançons fantàstiques d'aquest àlbum, que el 2018 a finals va tenir una edició de luxe en cançons noves, de la qual també escoltarem la cançó Long Temps, tercer senzill de l'àlbum. Chacun parle sa propre langue. Très souvent elle tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois viens on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus les rues de ma peine quand je suis perdu.

Així hem escoltat la música que ens porta amb el nostre programa, amb aquestes cançons Corrent de Pirata, Cor de Pirata, Cor de Pirat, i amb la música d'aquesta preciosíssima cantant d'indie pop canadenca, com hem dit, del Quebec, la Beatrice Martin, nascuda a Outremont el 22 de setembre de 1989, que no és la primera vegada que passa pel nostre programa. Qui passa ara, com sempre, com cada setmana, és l'Àngel Rodríguez, que ens porta la seva col·laboració habitual just a la meitat del nostre espai. Àngel Rodríguez, endavant! Amics d'Olala Music, avui gaudirem d'un gran èxit de Jean-Louis Aubert, titulat Les Plages, però amb una sorpresa. Això és una autèntica delícia, un bombó, perquè aquesta cançó avui l'escoltarem interpretada a duet amb Vanessa Paradis, tot un luxe. Jean-Louis Aubert va néixer l'any 1955 a Nàntua. Va començar en un conjunt de rock anomenat Telefon, després va fer la seva carrera en solitari i el 2015 crearia amb alguns dels membres d'aquest antic grup musical un altre grup, Les Insus. Us recomano aquesta preciosa peça que tant Jean-Louis Aubert com Vanessa Paradis van cantar ja fa temps, el 22 de desembre de 1990, en exclusiva per un programa especial de la televisió francesa, la televisió UTF1. Jean-Louis Aubert i Vanessa Paradis, Les Plages. Un vídeo del 25 de novembre de 1990, Jean-Louis Aubert i Vanessa Paradis amb Le Plage, aquesta cançó que ens oferia l'amic Àngel Rodríguez de Bellnou, una col·laboració de les seves dins el nostre espai de Hola La Music, que continua amb la música de la Patricia Cas. Esteu escoltant Hola La Music. Alors, ça chantait devant, un peu moins derrière. Hein. Alors, il y a des chansons qu'on connaît moins bien. Hein. Mais la prochaine, vous la connaissez sûrement. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, je m'en vais. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux. C'est comme les bons moments, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, et quand il brille dans ses yeux, je t'aime, c'est rien du cinéma, mais c'est du pareil en même. Ce film en noir et blanc qu'il m'a joué 200 fois, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, et quand il pleut, dans la rue des Trois Mages, un vieux marchand de fromage était mort sans enfant. Ses voisins, ses voisines, ses cousins, ses cousines, au fond d'une cuisine, se partageaient gaiement la table de son père, le fauteuil de sa mère, la montre de son frère, la pendule à coucou, une paire de bretelles, une bouteille d'eau de vitelle et une coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Il arriva de Chine sur une vieille machine, un homme courbant les chines, et qui leur dit « Messieurs, ne dites pas qui est-ce, je suis le cousin de la nièce, de l'homme qu'on met en pièces, et c'est pour ça que je veux. » Hein, qu'est-ce que vous voulez ? La table de son père, le fauteuil de sa mère, la montre de son frère, la pendule, la coucou, la vieille paire de bretelles, la bouteille d'eau de vitelle, et la coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Il arriva de Prague, un personnage très vague, qui portait une bague, et qui leur dit « Messieurs, ma grand-mère volage, fauta dans son jeune âge, avec le marchand de fromage, et c'est pour ça que je veux. » Hein? Qu'est-ce que vous voulez, vous, encore ? la table de son père, le fauteuil de sa mère, un montre de son frère, la pendule, la coucou, la vieille paire de bretelles, la bouteille de Vitel et la coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Ce fut le diable à quatre, les hommes voulurent se battre, les femmes devant l'âtre, appelées police secours, commencement d'incendie, et presque épidémie, collective folie, et tout ça pour une pendule en dentelle, une coiffe d'eau de vitelle, un fauteuil à bretelles, une table à coucou, histoire lamentable de fauteuils et de tables qu'une voisine détestable vint raconter chez nous. Histoire lamentable de fauteuils et de tables qu'une voisine détestable vint raconter chez nous. Histoire lamentable de fauteuils et de tables qu'une voisine détestable vint raconter chez nous. Després de la música que ens portava la Patricia Cas en directe, hem escoltat també aquest tema, l'Héritage Infernal, que ens aportava en Charles Trenet, que l'acabem d'escoltar. Anem ara a escoltar una peça que ens ha passat un dels nostres oients. Com sempre, ho agraïm, aquestes col·laboracions que tenim de gent que ens escolta. En aquest cas, Marcos Amadio, ens passa una peça, una joia, de Patrick Bruel i de Francis Cabrel, treballant junts entre dos, en l'any 2002, un àlbum que van publicar en dos. Una cançó que, a més, ja podíem haver trobat temps enrere amb altres versions. És una cançó, aquesta, que ens acompanyarà i que es diu, en català, La Complanta del Turó. És una cançó francesa, o Lament del Turó, més aviat seria. Una cançó francesa amb lletra de Jean Renoir i música de Georges Vanparis per al film de Renoir, French Cancan, del 1955. El director d'una sala d'espectacles presenta una nova artista, l'Esther Georges, interpretada per l'Anna Amendola, qui canta aquesta cançó amb la veu de la Coca Vauquer en 1955. Les As també va fer una versió esplèndida d'aquesta cançó. Avui, però, els escoltem amb el duet Patrick Bruel, Francis Cabrel, d'aquesta cançó que estem avui portant a càrrec dels nostres oients. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue, s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps l'entendra, quelque part au coin d'une rue. La lune, trop blême, pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse, de gloire éclabousse, ton jupon plein de trous. La lune trop pâle, caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Mais sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Tout doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux.

sur cette chanson. Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson? La la la la la la la la. Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson? La la la la la la la. On était peut-être des millions, pourtant on était seul au monde. Qu'est-ce qu'on se faisait comme illusion en dansant sur cette chanson? El cantant nascut a Oran, Algèria, el 1954, cantant i compositor, en François Valéry, que ens portava aquesta cançó des del 1980, que és Connaissez aux chers chansons, que ens portava abans en Gerard Lenormand amb Il, i com dèiem, Patrick Bruel i Francis Cabrel amb el tema que també ens havia portat els nostres col·laboradors i els nostres amics i els nostres oients, que són molt i molt d'agrair aquestes col·laboracions. La música que ens acompanyarà a continuació serà també una peça antiga. Des del 1952 escoltarem la Frère Jacques amb la Marie-Joseph, una de les cançons que podem escoltar també en el moment de posar punt i final amb una nova edició de Hola la Music. Gràcies per haver-nos acompanyat. Serà fins la propera edició del nostre programa. Salutacions de Rafael Corbí. A reveure. Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau. D'un bond, d'un seul et sans hésitation, on se documente sur la navigation. En moins de 8 jours, nous fûmes persuadés que la mer pour nous n'aurait plus de secret. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Le père alors fit preuve d'autorité. Je suis ingénieur, laissez-moi commander. Devant le résultat, on lui a suggéré qu'un vrai marin vienne nous accompagner. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Alors j'ai dit, je vais prendre la direction. Ancien marin, c'est la navigation. C'était prématuré. Faut pas confondre guitare et naviguer. Encore heureux qu'il ait fait beau, qu'il ait fait beau, qu'il ait fait beau. Encore heureux que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Au bout de 3 heures de notre exhibition, l'un de nous se relève avec stupéfaction. Car on s'était pas beaucoup déplacé. Rapport à l'ancre qu'on avait pas remonté. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Côté jeune fille, c'était pas mal. Ça nous a coûté les coudes de grand voile. En la coupant, Susan dit, je me rappelle qu'un de mes louveteaux voulait de la ficelle. Encore heureux qu'il ait fait beau, qu'il ait fait beau, qu'il ait fait beau. Encore heureux, encore heureux que la Marie-Joseph soit un bon bateau. La deuxième, fallait pas la laisser toucher la barre ou même s'en approcher. Car en moins de 2, on était vent debout. J'aime tant l'expression, disait-elle, pas vous. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Quand finalement on a pu réparer, alors on s'est décidé à rentrer. Mais on n'a jamais trouvé l'appontement. Car à minuit, on n'y voit pas tellement. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. On dit mon dire que c'est pas mon impression, car tous les gars du côté noir moutier ne sont pas prêts de s'arrêter de rigoler.